Chapitre 9e au Palais Pisano. C'était avec une joie ineffable et le remplissant d'un orgueil bien légitime que John Dudley avait reçu ses invités dans sa résidence seigneuriale. Le vieux Palais Pisano, demeuré depuis de si longues années désert, connaissait à nouveau sa splendeur passée, rehaussée de tout l'éclat de modernisme du temps présent. Ce fut un émerveillement. Comme bien l'on pense, le marquis Antonelli, qu'on savait avoir tout organisé pour obliger Dudley, avait été vivement félicité. N'avait-il pas, d'un coup de baguette magique, fait renaître de ses cendres cette quasi-ruine que personne n'espérait plus jamais voir restaurée? Le fier blason qui en dominait le majestueux portail avait lui aussi été remis à neuf, attestant la haute lignée des Pisano. Ce détail, à lui seul, faisait bondir de joie le cœur du roi des conserves alimentaires. Peut-être même songeait-il vaguement à orner de ses superbes armoiries les produits fabriqués dans ses usines. Pour l'instant, en tout cas, il n'était occupé qu'à faire les honneurs du palais à ses invités. Santonelli, qui avait veillé à tout, le guidait de toute son expérience. Il avait agi de son propre chef, en son absence, faisant preuve d'heureuses initiatives, tel un intendant intelligent, et les invités avaient été installés dans diverses parties du palais, tous séparés les uns des autres, afin de se trouver plus à leur aise. La présence du colonel Charles et Mitchell avait été une surprise pour le marquis. Instinctivement, il avait à l'endroit de ce vieil ami de John Dudley un indéfinissable sentiment de malaise qu'il n'arrivait pas à surmonter. Quant à son secrétaire, M. Farrell, ce garçon très éveillé, parlant plusieurs langues étrangères, il ne lui inspirait que fort peu de sympathie. Une autre raison également l'éloignait du colonel, l'amitié que lui témoignait Lilian qui sans cesse recherchait sa compagnie. Malgré lui, il avait la secrète intuition qu'un danger le menaçait de ce côté, un danger inconnu. Mais l'arrivée de Dudley et de ses invités lui réservait une bien autre surprise. Qu'était venu faire à bord du Cynthia, en cette galère, en ce yacht pour mieux dire, Lady Desmond qui ne pouvait avoir aucune acquaintance quelconque avec un mania de la conserve alimentaire? Et comment diable connaissait-elle ce damné colonel Mitchell qui semblait la chaperonner? Autant de mystères qui n'arrivaient point à éclaircir. Pour la première fois de sa vie, peut-être, Luciano se sentait l'âme inquiète. La chance qui jusque-là lui avait toujours souri paraissait tourner, lui être contraire. N'avoir jamais encore eu peur, aux heures les plus difficiles de son existence aventureuse, et se prendre à trembler aujourd'hui, allons donc. Et pourtant, il avait comme une sensation de voir le sol venir à céder sous ses pas. Il marchait sur un sable mouvant, où il allait s'enfoncer petit à petit, s'enliser, perdu à tout jamais. Était-ce vraiment possible, après avoir si bien manœuvré sa barque, qu'elle arrivait enfin au port? L'attitude de Lilian à son égard ne le laissait guère certain d'espoir en une union à laquelle il se décidait difficilement à renoncer. Mais s'il ne fallait encore que cela pour amener la tranquillité dans son esprit, en écartant le malheur qu'il sentait planer au-dessus de sa tête, il n'hésiterait pas à s'y résigner. S'il devait en arriver là, toutefois, il était bien résolu à risquer un dernier coup qui le rapporterait gros et dont le produit viendrait se joindre à son butin de Berkeley Square. Il avait un énigmatique sourire en songeant aux obstacles sans nombre qu'il avait eu à surmonter pour parvenir à soustraire ce dernier aux plus actives recherches policières, sur le Berengaria même, où il avait eu la géniale idée de glisser le coffret contenant les joyaux parmi les effets du milliardaire dans sa malle de cabine. Santonelli savait prendre une prompte décision, quand besoin en était, et ne s'attardait pas aux bagatelles de la sorte. Puisque les choses paraissaient devoir prendre mauvaise tournure pour lui, il ne lui restait qu'à brûler délibérément ses vaisseaux et jouer le grand jeu. De l'audace, soit, de l'audace et encore de l'audace. La plus élémentaire prudence, néanmoins, exigeait de ne pas aller à l'aveuglette et courir le risque de tout voir piteusement échouer ou de se faire sautement pincer en flagrant délit. Il y avait un moment opportun à saisir, et c'est ce moment que le marquis s'efforçait de trouver. La fête donnée par John Dudley pour pendre la crémaillère et dont les préparatifs se poussaient activement était une occasion tout indiquée pour le coup qu'il méditait. Avant, pendant ou après, tout était là. Il était bien évident qu'avant, on disposerait les écrins, on se parerait des bijoux pour juger de l'effet, et qu'ils ne jurent pas l'un avec l'autre. Malgré tout cet étalage de rivalisante richesse, il ne fallait point paraître orné comme une châsse. Pendant la fête, Il ne fallait pas y penser et une razzia dans les chambres ne permettait que de faire main basse sur des joyaux de second ordre. Et après la brillante réunion mondaine, une fois collier, diadème, bracelet rentrés dans leurs écrins, il serait trop long de savoir où ces derniers se trouvaient rangés. Or, le travail tout spécial, semblable à celui d'un rat d'hôtel pour être réussi, exige beaucoup de rapidité dans son exécution. Santonelli en conclut donc qu'il fallait à tout prix que le coup fût fait avant la fête et prit ses dispositions en conséquence. Une seule chose le tracassait. Pourquoi diable le colonel Mitchell, cet excentrique personnage qui n'arrivait pas plus à définir qu'à comprendre, avait-il tenu, invoquant un caprice de vieillard, à ce qu'on le changeât de chambre? Rien n'expliquait non plus son insistance à ce que celle-ci donnât sur un large couloir conduisant à la salle à manger. Il est vrai que contiguë à la sienne s'en trouvait une autre où vint loger M. Farrell. Et les deux pièces communiquant, le colonel avait son secrétaire à proximité de lui. C'était la seule raison valable que le marquis trouvait à cette fantaisie de Charlie Mitchell. Un incident tout fortuit et auquel le marquis fut dans l'impossibilité d'échapper devait confirmer l'appréhension insurmontable qu'il avait de voir sa chance tourner. Lady Desmond, on le sait, avait des goûts artistiques très prononcés. Un peu lasse de la société encombrante des Américains réunis au palais, elle prit un jour Santonelli de vouloir bien l'accompagner dans Gênes, qu'elle ne connaissait pas, car elle désirait visiter quelques églises où elle savait que se trouvaient des œuvres magistrales d'artistes réputés d'autrefois. Le marquis ne pouvait refuser et se fit le guide éclairé de l'anglaise. Cette promenade dans la ville venait à point servir les desseins du colonel et de Farrell, qui n'attendaient qu'une occasion pour opérer une visite domiciliaire dans le logement occupé par Luciano. Mettant donc son absence à profit, Farrell et lui se livrèrent à cette besogne policière, bien certains de ne point être dérangés. Ils ne trouvaient rien qui pût compromettre l'aigre-fin, et, désappointés, ils allaient se retirer quand Farrell, en fouillant consciencieusement dans une des malles des faits, il découvrit un vêtement bizarre ainsi qu'une coiffure non moins étrange qui furent pour le colonel et lui une éclatante révélation. Un pyjama de soie d'un noir mat aux amples poches. De l'une d'elles, Farrell sortit de très fins gants de même teinte et montant haut. De l'autre poche, il retira une coiffure noire, elle aussi, propre à couvrir le crâne et le visage en s'y adaptant étroitement à la manière d'une cagoule ornée de deux fentes étroites à l'endroit des yeux. Le colonel examina attentivement l'accoutrement et laissa tomber ces mots. « C'est bien ce que je pensais. Un rat d'hôtel, ni plus ni moins. Remettez tout cela en place, Farrell, dans l'état où vous l'avez trouvé, qu'il ne s'aperçoive de rien. Nous tenons notre homme. Laissez faire. Il est déçu dans ses projets matrimoniaux et doit inévitablement préparer un coup qui lui permettra de filer en douce avec un butin d'importance. À nous de veiller au grain. »